La séquence qui suit est typique de l'état sonore initial des boulevards avant les travaux du tramway, un jour ordinaire sous la pluie. Davantage que les autres séquences, elle illustre clairement que le domaine sonore s'inscrit dans le temps, que la durée est sa matière première et que la répétition des sons a autant d'impact sur l'auditeur que leur intensité. Nous sommes boulevard Joseph Vallier, un matin d'octobre.